ce soir, j'ai pas dit matin. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Chez Fatimata.